Danse, danse, bébé, relax. Amène-toi faire un tour de piste. Profite de la glace. Amène-toi faire un tour de piste. Demain, nous partirons à l'abri planqué de maître long. S'unir au bord de l'eau.